se font la belle. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM, j'espère que vous avez passé un excellent week-end malgré la météo maussade, on en parlera tout à l'heure et c'est pas prêt de s'arranger malheureusement. J'espère donc que vous êtes plutôt en forme hein, pour commencer et on commence en ce lundi 7 octobre en souhaitant une bonne fête au Serge. Le dicton, les dictons du jour nous disent à la Saint-Serge achète des habits de Serge ou encore à la Saint-Serge la charrue en terre pour niveler les taupinières. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale d'action pour le travail décent et dans les événements qui se sont déroulés un 7 octobre 1940, c'était la création en France, des conseils de l'ordre des médecins. Allez, tout de suite on va écouter Chris qui va nous présenter une marche gourmande qui a lieu le 13 octobre. Imperadori pour nous parler de la marche gourmande de l'énergie. Bonjour Noé. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous parler de cette marche gourmande ? Alors oui, donc la marche gourmande de l'énergie, c'est un événement qu'on organise donc avec notre association l'ALEC Épinal. Donc l'ALEC déjà, c'est une structure associative où on a pour mission de sensibiliser le particulier sur la maîtrise de l'énergie. D'accord. Et notamment la rénovation énergétique. D'accord. Voilà, et du coup, dans ce cadre, on organise le dimanche 13 octobre une marche gourmande de l'énergie qui aura lieu autour du lac de Bouzet. Alors, c'est sur inscription, c'est 6 euros par adulte et gratuit pour les personnes de moins de 12 ans. D'accord. Donc, ce sera sur le parcours de 7 km autour du lac de Bouzet où il y aura plusieurs stands avec des animations sur l'énergie en général, la maîtrise de l'énergie et en même temps, comme c'est une marche gourmande, la dégustation de produits du terroir grâce à tous des producteurs locaux où on va pouvoir savourer ces bons produits. D'accord. Cette marche a plusieurs objectifs. Oui. Alors, le premier objectif donc de la marche gourmande de l'énergie, c'est, comme je disais, sensibiliser le grand public aux économies d'énergie. Le deuxième, c'est de faire ce qu'on appelle un recrutement, entre guillemets, pour le défi famille à énergie positive. Alors, c'est un défi totalement gratuit qui s'organise en famille, entre voisins, entre collègues, enfin, avec par équipe, et qui a pour objectif de vous faire des économies d'énergie juste avec des gestes simples du quotidien, donc on appelle des éco-gestes. Et l'objectif de ce défi, c'est de réaliser jusqu'à 8% d'économies en une année par rapport à l'année précédente. D'accord. Juste avec ces gestes simples du quotidien. D'accord. Il me semble également que pour cette marche gourmande de l'énergie, chaque participant se verra remettre un pack de 2 ampoules LED. Oui, exactement, en partenariat avec la communauté d'agglomération d'Épinal. Alors chaque équipe, chaque famille se verra remettre un pack d'ampoules LED pour justement l'inciter à faire des économies d'énergie dans son logement. D'accord. En plus donc d'avoir déjà profité de la belle balade et des produits et des animations qui seront présents sur les stands. D'accord. Qui sont les différents partenaires de l'opération ? Alors, nous avons 5 partenaires, donc le premier étant la communauté d'agglomération d'Épinal. Oui. Le deuxième partenaire, c'est GRDF. Ensuite, nous avons Enedis en partenariat et une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, qui font de la sensibilisation sur l'environnement en général. Et notre dernier partenaire, c'est Evodia. Donc, qui va nous parler du traitement des déchets. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment des animations qui seront autour de l'énergie et de la gestion des déchets, donc c'est très instructif et très intéressant. D'accord. Si on veut participer donc à cette marche gourmande, on doit s'inscrire préalablement ? Oui, exactement. Il y a une inscription à effectuer. Alors, vous pouvez trouver le bulletin d'inscription directement sur le site de l'ALEC. Donc, avec le site qui s'appelle ALEC, donc ALEC-épinal.com. Oui. Ou alors, directement, en nous passant un petit coup de téléphone pour qu'on vous envoie tous les documents au 03 29 81 13 40. D'accord. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est 6€ par adulte et gratuit pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Oui. Et donc, est-ce que c'est le même parcours pour tous ? Oui, c'est le même parcours pour tous. Donc, c'est un parcours de 7 km vraiment accessible à tous. C'est un parcours autour, donc qui est banalisé, c'est un parcours piéton autour du lac de Bouzet où on passe aussi dans de la forêt. Donc c'est vraiment un parcours très sympa mais accessible à tous. Même une poussette peut accéder au parcours. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde, donc des familles. Donc des parents peuvent venir avec leur poussette sans problème. Aucun problème. D'accord. Si nous voulons plus de renseignements, comment on peut vous contacter ? Alors vous pouvez nous contacter par téléphone. Oui. Donc je rappelle le numéro de téléphone, c'est 03 29 81 13 40. Oui. Ou alors vous pouvez avoir plus de renseignements directement donc sur le site internet de l'ALEC avec alec-épinal.com. D'accord. Une adresse mail peut-être ? Alors oui, on a une adresse mail qui est cov. Oui. @eie du 6 grand est tout attaché .fr. D'accord, grand est .fr, voilà, donc c'est noté. Donc je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de ce petit événement. Merci à vous. Si vous organisez prochainement un autre événement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, bah c'est très gentil. Donc, n'hésiterez voilà. pas. Et donc tout ce qu'on peut dire, c'est aux gens, aux auditeurs de venir nombreux. Exactement. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà pour donc cette marche gourmande énergie qui, je vous le rappelle, aura lieu donc ce dimanche. Merci Chris. Tout de suite, on s'écoute Bernard Lavillier avec ses idées noires. Éteint le plafonnier, éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu ? Un mauvais cas dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire, une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras. Je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras. Je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout seul tu finis. veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Les idées noires de Bernard Lavilliers avec la participation également de Nicoletta sur RGM, un peu plus de 8h41 et on fait tout de suite un point sur tous ceux qui sont nés un 7 octobre 1946, naissance de Bernard Lavilliers, chanteur français, 1950, naissance de Hugh Fraser, acteur britannique connu pour son rôle du capitaine Arthur Hastings dans la série télé Hercule Poirot, 1953, naissance de Tico Torres, musicien américain du groupe Bon Jovi, 1959, naissance de Simon Cowell, producteur de musique, animateur télé, compositeur, réalisateur artistique britannique, connu pour avoir initié les groupes One Direction et Fifth Harmony, jury des émissions télé Britain's Got Talent ou encore America's Ghost Talent. 1967, naissance de Toni Braxton, chanteuse américaine. 1968, naissance de Thom Yorke, musicien britannique du groupe Radiohead, dont on écoute un extrait du titre Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Voilà pour l'extrait de Creep du groupe Radiohead. On continue, 1979, naissance d'Aaron et Sean Ashmore, tous deux acteurs canadiens. Aaron, on a pu le voir dans la série télé Véronica Mars dans le rôle de Troy Van Graaff, la série Smallville dans le rôle d'Henry James Olsen ou encore Warehouse 13 dans le rôle de l'agent Steve Jinks. Et Sean, on a pu le voir dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final et X-Men Days of Future Past dans le rôle de Bobby Drake alias Iceberg, la série télé The Following dans le rôle de l'agent Mike Weston ou encore Conviction dans le rôle de Sam Spencer. 1982, naissance de Mike Loughlin, acteur américain vu dans le film Super 8, la série télé Heroes, NCIS Los Angeles, Grey's Anatomy et Quantico dans le rôle de Ryan Booth. 1986, naissance de Lynn Rhoden, actrice américaine vue dans Les Experts, Lost, Les Disparus, Esprit Criminel, Grey's Anatomy et Teen Wolf dans le rôle de Lydia Camille Grace Martin. 1987, naissance de Sam Querrey, joueur de tennis américain professionnel depuis 2006 qui était numéro 11 mondial en 2018, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland Garros. Et en 1989, c'était la naissance d'Hugo Clément journaliste français. Allez, tout de suite, on s'écoute Bon Jovi avec leur titre « It's My Life ». Song for the broken hearted. My Life, Bon Jovi sur le 107FM. Presque 8h49, on fait un point sur la météo. La météo. Et comme je vous le disais en tout début d'émission, on va commencer la semaine, et bien comme on a terminé le week-end, c'est-à-dire avec des nuages, c'est plus français, et de la pluie. Et d'ailleurs, en parlant de ce week-end, on va faire une petite aparté, puisque 4300 personnes ont bravé le froid, le vent et la pluie, même s'il y a eu une petite accalmie, pour participer aux foulées roses d'Épinal. Donc voilà, 43 000 € ont été récoltés et reversés à la Ligue contre le cancer, qui lutte contre le cancer du sein. Donc bravo à tous les participants qui en plus avaient le sourire. Allez, on continue cette météo avec des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 11 et 13 degrés cet après-midi. Bon, pour mercredi, pour mardi et mercredi, hein, on ne change pas, hein, ce sera de la pluie. Des températures pour mardi matin entre 9 et 10 degrés, pour mardi après-midi entre 13 et 15 degrés, et pour mercredi entre 10 et 11 degrés le matin et entre 12 et 14 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et ça devrait, je dis bien ça devrait, s'améliorer d'ici la fin de la semaine. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le rugby et la Coupe du Monde et l'équipe de France s'est imposée de justesse face au Tonga 23-21. Le principal est là, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale. La première place du groupe se jouera contre l'Angleterre lors du crush tant attendu. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1 où Amiens s'est imposé 3-1 face à Marseille. Le PSG s'est imposé 4-0 face à Angers. Metz s'est incliné à Brest 2-0. Dijon s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Montpellier s'est imposé 3-1 face à Monaco. Nantes s'est imposé 1-0 face à Nice. Bordeaux s'est imposé sur la pelouse de Toulouse 3-1. Lille et Nîmes ont fait match nul 2-partout. Reims s'est imposé à Rennes sur le score de 1-0 et Saint-Étienne s'est imposé face à Lyon 1-0. Et Lyon d'ailleurs, Léo Dubois est sorti blessé, touché au ischio. Mauvaise nouvelle hein, pour le joueur français qui est appelé d'ailleurs par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Et autre mauvaise nouvelle, elle nous est venue d'Angleterre cette fois-ci ce week-end avec la sortie sur blessure d'Hugo Lloris avec son équipe de Tottenham. Il s'est blessé quelques minutes seulement après le début de la rencontre. Donc c'est Mike Maignan qui remplacera Hugo Lloris en équipe de France. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 2-1 face à Niort. En National 2, Épinal s'est incliné à Sedan 1-0. En National 3, Raon-l'Étape s'est imposé face à Métro Troyenne 1-0. Et Thaon-les-Vosges a fait match nul face à Bischheim 1-partout. En basket, en National 1, victoire du Jet Vosges face à Kaisersberg 95-75. En National 3, défaite de Mirecourt à Saint-André-les-Vergers 83-81. En hockey sur glace, en Coupe de France, ça passe pour Épinal qui s'est imposé à Amnéville sur le score de 5-1. Un mot de boxe avec Estelle Mosley qui conserve son titre mondial. En athlétisme, le compteur de l'équipe de France restera à 2 médailles, une d'argent et une de bronze, puisque dans les dernières épreuves, nos Français n'ont pas brillé. Et on a terminé hier avec le relais 4x400 mètres messieurs où la France a terminé 7e et victoire des États-Unis. On termine cette actu avec du tennis. Le tournoi de Pékin a été remporté par Dominic Thiem côté messieurs et par Osaka côté féminin. Et à Tokyo, à noter la victoire de Novak Djokovic. 3 tournois cette semaine. Tout d'abord, le tournoi féminin de Linz où Pauline Parmentier affrontera Vögel. À Tianjin, aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Potapova. Et à Shanghai, aujourd'hui, il y aura Gaël Monfils face à Sonego. Gilles Simon opposé à Nori, Benoît Paire à Cecchinato et enfin Jérémy Chardy à Edmund. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Toni Braxton et son titre Unbreak My Heart. Cry these tears and cry.